Section 8. Dans l'année 1678, Rancet fit au maréchal de Bellefond une déclaration de ses principes. Bellefond était ce même maréchal puni à la guerre pour deux désobéissances heureuses et auquel Bossuet écrivit une lettre sur la conversion de Madame de la Vallière. La lettre de Rancet est devenue rare. Il s'agissait de repousser les accusations qui s'élevaient contre les rigueurs de la trappe. « S'il n'est pas impossible, dit l'abbé au maréchal, de chanter les cantiques du Seigneur dans une terre étrangère, il faut croire cependant qu'il est difficile de garder fidèlement ses voix lorsqu'on est environné d'affaires et de plaisirs. Dieu n'a pas commandé à tous les hommes de quitter le monde, mais il n'y en a point à qui il n'est défendu d'aimer le monde. Ma profession veut que je me regarde comme un vase brisé qui n'est plus bon qu'à être foulé aux pieds. Et dans la vérité, si les hommes me prennent par des endroits par où je ne suis pas tel qu'ils me croient, il y a en moi des iniquités qui ne sont connues de personne, et sur lesquelles on ne me dit mot, de sorte que je ne puis ne pas croire que les injustices qui me viennent du monde ne soient des justices secrètes et véritables de la part de Dieu, et ne pas considérer en cela les hommes comme des exécuteurs de ses vengeances. C'est la disposition dans laquelle je suis, et que je dois conserver. D'autant plus que les extrémités de ma vie sont proches. Aux portes de l'éternité, il n'y a rien de plus puissant pour faire que Dieu me juge dans sa clémence que d'être jugé des hommes sans pitié. » Dans l'année 1679, Bellefond appela Rancet à Paris. Ces Bellefonds de Normandie étaient sortis des Bellefonds de Touraine. La marquise du Châtelet, fille du maréchal, vécut très pauvre avec son mari à Vincennes, dont Bellefond était gouverneur. Il mourut dans le château où l'attendait le duc d'Enghien, qui n'avait point encore paru sur la terre. On avait surpris la vieille tante maternelle du maréchal avec le marquis de Villars, que l'on nommait Oronda, d'un nom emprunté d'un personnage de Cyrus. Rancet était mandé par le maréchal pour voir Madame de la Vallière. Il se connaissait dans le mal dont elle était attaquée. 50 lettres de Madame de la Vallière à Bellefond sont imprimées à la suite de l'abrégé de la vie de la maîtresse de Louis XIV. L'auteur de cet abrégé est l'abbé Lequeux, éditeur de plusieurs opuscules de Bossuet. L'abbé devint convulsionnaire de Saint-Médard. « Vivez caché, dit Bossuet à Madame de la Vallière, dans son discours sur sa profession. Prenez un si noble essor que vous ne trouviez le repos que dans l'essence éternelle. Enfin, je quitte le monde, écrit Madame de la Vallière elle-même. C'est sans regret, mais non sans peine. Je crois, j'espère, et j'aime. N'est-ce pas, Émilie ? Ce devait être une belle société que celle à qui ce beau langage était naturel. Dans sa lettre du 7 novembre 1675 au maréchal de Bellefond, Madame de la Vallière dit « Je ne puis m'empêcher de vous faire part de la joie que j'ai eue de voir Monsieur l'abbé de la Trappe. Je suis toujours dans la confiance de la paix et notre saint abbé m'a fort exhorté à y demeurer. Que vous êtes heureux, Monsieur le maréchal, d'être dans l'état où il veut que vous soyez. » Bellefond, aidé de Rancet et de la lassitude de Louis, appuyait la résolution de la fugitive. Le monde voyait une de ses victimes sous le froc, Rancet encourageait au cilice une autre de ses victimes. Les carmélites étaient remplis d'une population de femmes. On y vivait dans un air qu'avait aspiré et expiré le sein de belles et jeunes compagnes. Madame de la Vallière ne voulait pas qu'on lui parlât, même de son fils. Elle s'imaginait qu'aucun autre homme que le roi ne pouvait être présent à sa pensée. Elle demeurait seule à seule sous le voile avec Dieu et Louis. Telle était l'aventure placée sur le chemin de la maison Dieu. Tous les souvenirs venaient du dedans et du dehors, s'enfoncer dans ses solitudes. Chaque pénitent menait avec lui ses fautes. Les repentis se promenaient dans des routes écartées, se rencontraient pour ne se retrouver jamais. Les âmes qui portaient des souvenirs disparaissaient comme ces vapeurs que j'ai vues dans mon enfance sur les côtes de la Bretagne. Brouillard, assurait-on, produit par les volcans lointains de la Sicile. On rencontrait, sur toutes les routes de la Trappe, des fuyards du monde. Rancet, à ses risques et périls, les allait recueillir. Il rapportait dans un pan de sa poche des cendres brûlantes qu'il semait sur des friches pour engraisser les déserts avec des débris de passion. Aujourd'hui, on ne voit plus glisser dans les ombres ces châsses blanches dont Charles Quint et Catherine de Médicis croyaient entendre les cors parmi les ruines du château de Lusignan, tandis qu'une fée envolée faisait son cri. En descendant des hauteurs boisées où je cherchais les lardes rincées, s'offraient des clochers de paille tordus par la fumée. De petits nuages abaissés filaient comme une vapeur blanche au plus bas des vallons. En approchant, ces nuées se métamorphosaient en personnes vêtues de laine écrue. Je distinguais des faucheurs. Madame de la Vallière ne se trouvait point parmi les herbes coupées. Rancé s'était résolu à ne composer aucun ouvrage qui rappelât son existence. À 60 ans, accablé d'infirmité, il n'était pas tenté de retourner aux illusions de sa jeunesse, malgré les encouragements qu'il trouvait dans les cheveux blancs de son ami Bossuet. Comme il faisait souvent des conférences à ses frères, il lui restait une quantité de discours. Il se laissa entraîner à la prière d'un religieux malade qui le conjurait de rassembler ses discours. Ainsi se trouva formé peu à peu le traité qu'il intitula « De la sainteté et des devoirs de la vie monastique ». On fit dans le couvent plusieurs copies de ce traité. Une de ces copies tomba entre les mains de Bossuet. Bossuet, émerveillé, se hâta d'écrire à Rancé qu'il exigeait que son ouvrage fût rendu public et qu'il se chargeait de le faire imprimer. Don Rigobert et l'abbé de Châtillon mêlèrent leurs sollicitations à celles du grand évêque. Rancé avait jeté l'ouvrage au feu et on en avait retiré des cahiers à demi brûlés. Par une de ces lâchetés communes aux auteurs, Rancé avait repris les débris de l'incendie et les avait retouchés. Une des copies post-flamme était parvenue à Bossuet. « Comment, monseigneur, lui écrivait l'abbé de la Trappe, vous voulez que je me mette tous les ordres religieux à dos ?»« Vous avez beau, répondit Bossuet, vous fâcher, vous ne serez point le maître de votre manuscrit et vous y penserez devant Dieu. » Rancé insista, Bossuet lui répondit, « Je répondrai pour vous, je prendrai votre défense. Demeurez en repos. » En effet, on voit à la tête des éclaircissements sur le livre des devoirs de la vie monastique cette approbation de Bossuet. Après avoir lu et examiné les éclaircissements, nous les avons approuvés d'autant plus volontiers que nous espérons que tous ceux qui les liront demeureront convaincus de la sainte et salutaire doctrine du livre, de la sainteté et des devoirs de la vie monastique. À Meaux, le 10e jour de mai, 1685. Quel est cet ouvrage que l'aigle de Meaux avait couvert de ses ailes? En vain, Rancé ne voulait pas convenir que sa jeunesse lui était demeurée. Il se disait et se croyait vieux, et la vie débordait en lui. Cependant, ce qu'il avait prévu arriva. Une longue querelle survint après 2 ou 3 années de la publication du livre. La gravité de ces controverses n'a rien de semblable aux contestations littéraires d'aujourd'hui. Cette partie de ces temps passés est curieuse à connaître. Bossuet ne s'était trompé ni sur le fond ni sur le style de l'ouvrage. Voici l'analyse de la sainteté et des devoirs de la vie monastique. Je laisse parler Rancé. Les règles des observances religieuses ne doivent pas être considérées comme des inventions humaines. Saint Luc a dit « Vendez ce que vous avez et le donnez aux pauvres. Après cela, venez et me suivez. » Si quelqu'un vient à moi et ne hait point son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Jean-Baptiste a mené dans le désert une vie de détachement, de pauvreté, de pénitence et de perfection, dont la sainteté a été transmise aux solitaires, ses successeurs et ses disciples. Saint Paul, Anachorète et saint Antoine cherchèrent les premiers Jésus-Christ dans les déserts de la basse Thébaïde. Saint Pacôme parut dans la haute Thébaïde, reçut de Dieu la règle par laquelle il devait conduire ses nombreux disciples. Saint Macaire se retira dans le désert de Cété, saint Antoine dans celui de Nitri, saint Sérapion dans les solitudes d'Arsinoé et de Memphis, saint Hilarion dans la Palestine. Sources abondantes d'une multitude innombrable d'anachorètes et de cénobites qui remplirent l'Afrique, l'Asie et toutes les parties de l'Occident. L'Église, comme une mère trop féconde, commença de s'affaiblir par le grand nombre de ses enfants. Les persécutions étant cessées, la ferveur et la foi diminuèrent dans le repos. Cependant, Dieu, qui voulait maintenir son Église, conserva quelques personnes qui se séparèrent de leurs biens et de leurs familles par une mort volontaire, qui n'était ni moins réelle, ni moins sainte, ni moins miraculeuse que celle des premiers martyrs. De là les différents ordres monastiques sous la direction de saint Bernard et de saint Benoît. Les religieux étaient des anges qui protégeaient les États et les empires par leurs prières, des voûtes qui soutenaient la voûte de l'Église, des pénitents qui apaisaient par des torrents de larmes la colère de Dieu, des étoiles brillantes qui remplissaient le monde de lumière. Les couvents et les rochers sont leurs demeures. Ils se renferment dans les montagnes comme entre des murs inaccessibles. Ils se font des églises de tous lieux où ils se rencontrent. Ils se reposent sur les collines comme des colombes. Ils se tiennent comme des aigles sur la cime des rochers. Leur mort n'est ni moins heureuse ni moins admirable que leur vie, raconte saint Éphrem. Ils n'ont aucun soin de se construire des tombeaux. Ils sont crucifiés au monde. Plusieurs, étant attachés comme à la pointe des rochers escarpés, ont remis volontairement leurs âmes entre les mains de Dieu. Il y en a qui, se promenant avec leur simplicité ordinaire, sont morts dans les montagnes qui leur servaient de sépulcre. Quelques-uns, sachant que le moment de leur délivrance était arrivé, se mettaient de leurs propres mains dans le tombeau. Il s'en est trouvé qui, en chantant les louanges de Dieu, ont expiré dans l'effort de leur voix, la mort seule ayant terminé leur prière et fermé leur bouche. Ils attendent que la voix de l'archange les réveille de leur sommeil. Alors ils refleuriront comme des lys d'une blancheur, d'un éclat et d'une beauté infinie. Après cette description admirable pour leur faire aimer la mort, Rancet ajoute « Je ne doute pas, mes frères, que vos pensées ne vous portent du côté du désert. Mais il faut modérer votre zèle. Les temps sont passés, les portes des solitudes sont fermées, la Thébaïde n'est plus ouverte. » C'était vrai, mais les ordres religieux avaient rebâti dans leur couvent la Thébaïde. Ils avaient représenté dans leur cloître les palmiers des sables. Les monastères étaient des pépinières de fécondité où l'on élevait les plantes divines, où elles prenaient leur accroissement avant d'être transplantées. Ainsi, lorsqu'on descendait de la montagne et que l'on était près d'entrer dans Clairvaux, on reconnaissait Dieu de toutes parts. On trouvait au milieu du jour un silence pareil à celui du milieu de la nuit. Le seul bruit qu'on y entendait était le son des différents ouvrages des mains ou celui de la voix des frères lorsqu'ils chantaient les louanges du Seigneur. La renommée seule de cette grande aphonie imprimait une telle révérence que les séculiers craignaient de dire une parole. Une forêt resserrait le monastère. Les viandes dont on se nourrissait n'avaient d'autre goût que celui que la faim leur donnait. Rancet passe à l'explication des trois vœux de la vie monastique, chasteté, pauvreté et obéissance. Il dit que dans la pensée de saint Augustin, une vierge chaste, consacrée à Dieu, a tout ce qui peut lui servir d'ornement, sans quoi la virginité lui aurait été honteuse, car que lui servirait d'avoir l'intégrité du corps si elle n'avait pas celle de l'âme. Le réformateur insiste sans s'embarrasser dans ses souvenirs. Quel avantage tirerait un religieux d'avoir abandonné les biens de la fortune s'il conservait d'autres affections et d'autres attaches? Notre cœur se trouve où est notre trésor, et nous sommes liés par les objets que nous aimons. Et pourtant, mes frères, dit Rancet, si le religieux ne se prive des faux plaisirs, il se réserve les véritables ennuis qui les accompagnent. Toute sa course ne sera qu'une continuité de chutes et de rechutes. Dans un voyage pour aller plus légèrement vers le ciel, il faut se décharger de tout ce qui peut empêcher de s'avancer sur le chemin. La pauvreté religieuse sépare le cœur, aussi bien que la chasteté, de tout ce qu'il y a de visible et d'invisible, s'il n'est point éternel. Rancet recommande la charité comme la première des vertus. Un chrétien, dit saint Paul, n'est fait que pour aimer. Ce qui fait que l'amour de Dieu est si rare dans les hommes, c'est qu'ils sont emportés par d'autres amours. Pour vous, dit le réformateur, dans un langage admirable, pour vous, mes frères, Dieu vous a levé tous ces obstacles et vous a préservé de ces sortes de tentations en vous retirant dans la solitude. Vous êtes, à l'égard du monde, comme s'il n'était plus. Il est effacé dans votre mémoire comme vous l'êtes dans la sienne. Vous ignorez tout ce qui s'y passe. Ces événements et ces révolutions les plus importantes ne viennent point jusqu'à vous. Vous n'y pensez jamais que lorsque vous gémissez devant Dieu de ses misères. Et les noms même de ceux qui le gouvernent vous seraient inconnus si vous ne les appreniez par les prières que vous adressez à Dieu pour la conservation de leur personne. Enfin, vous avez renoncé en le quittant à ses plaisirs, à ses affaires, à ses fortunes, à ses vanités, et vous avez mis tout d'un coup dessous vos pieds ce que ceux qui l'aiment et qui le servent ont placé dans le fond de leur cœur. Tel est ce traité de la sainteté et des devoirs de la vie monastique. On y entend les accents pleins et majestueux de l'orgue. On se promène à travers une basilique dont les rosaces éclatent des rayons du soleil. Quel trésor d'imagination dans un traité qui paraissait si peu s'y prêter. Ici, on ne se traîne pas sur ces adorations de femmes reproduites aujourd'hui à tout propos sans les plus aimer. La lumière et l'ombre avaient bâti les édifices religieux plus que la main des hommes. Le travail de Rancé apprendra à ceux qui ne le connaissaient pas qu'il y a dans notre langue un bel ouvrage de plus. Il se fit d'abord un profond silence, autant d'admiration que d'étonnement. Il ne fallut pas moins de 2 années pour que les amours propres et les passions se remissent du choc. Mais enfin on recouvra ses esprits et le conflit s'engagea. Il commença d'abord en Hollande, où la littérature française avait son écho. Écho protestant, qui répétait mal le son et ne le répétait qu'aigre et sec. Le véritable motif de la conversion de l'abbé de la Trappe par Laroque, que j'ai déjà cité, est une réponse aux devoirs de la vie monastique. Il est en forme de dialogue selon le goût du temps. Timocrate et Philandre s'entretiennent du livre de Rancé. Timocrate est un bonhomme qui, par-ci par-là, a grande envie d'admirer le livre des devoirs. Mais Philandre le morigène. Il prétend, lui, que l'ouvrage du solitaire de la Trappe ne vaut pas le diable. Sur chaque observation de Timocrate, Philandre s'écrie « Ah, je ne savais pas cela. Je serais fort aise que vous examiniez un peu ce qu'il dit là-dessus et vous m'obligerez de me montrer l'endroit. » Les deux interlocuteurs vont dîner, se donnent rendez-vous pour le lendemain au jardin des Tuileries et la conversation continue. Timocrate accuse Rancé de dédaigner l'écriture, de vouloir se montrer savant à propos de tout, de citer de l'Aristophane grec. « Je voudrais savoir, reprend Timocrate, quand il l'a lu, si c'était dans sa jeunesse et avant d'avoir quitté le monde ou après. J'ai peine à croire qu'il se ressouvienne si exactement d'une lecture faite il y a plus de 30 ans. Ainsi, il y a plus d'apparence que c'est dans la retraite qu'il s'est diverti avec ce comique. » Petite chicane de mauvaise foi, néanmoins piquante. Le père Meige combattit sérieusement le premier, l'ouvrage de Rancé, dans son commentaire sur la règle de Saint-Benoît. Le livre de la sainteté et des devoirs de la vie monastique était déjà à sa 3e édition lorsqu'enfin, dans l'ombre des cloîtres, on entendit un bruit de papier et de poussière. C'était Mabillon qui s'élevait. Il n'avait pas blanchi sous ses in-folios. Il ne regardait pas autour de lui les parchemins moisis des premiers jours de la monarchie pour s'entendre dire qu'il avait perdu son âme et son temps à l'étude des choses passées. Le compilateur des Vetera Analecta se crut obligé de soutenir la cause des érudits dont il était la gloire. Les 2 savants champions, descendus dans la lice, étaient cuirassés de grec et de latin. Quand nous prétendons lutter contre ces savants, nous montrons ce qui nous manque dans cette monarchie docte et conquérante, dit Bossuet. Le père Mabillon procède méthodiquement. Il ne laisse rien derrière lui. Rechercheur expérimenté, il fouille partout. Il ne fait pas un pas qu'il ne force un siècle à se lever. Intime confident des chroniques, il dit comme l'abbé Lacordaire, « Le temps tiendra la plume après moi ». Il s'adresse aux jeunes religieux bénédictins de la congrégation de Saint-Maur. « C'est à vous, mes très chers frères, leur dit-il, que je me sens obligé d'offrir cet ouvrage, puisque c'est particulièrement pour vous qu'il a été entrepris et composé. Je vous prie de bien considérer que je ne prétends pas faire ici, de nos monastères, de pures académies de sciences. Si le grand apôtre faisait gloire de n'en avoir point d'autre que celle de Jésus-Christ crucifié, nous ne devons point aussi avoir d'autres buts dans nos études. Il est vrai, et saint Paul l'a dit, que la science sans la charité enfle. Mais il est certain aussi qu'avec le secours de la grâce, rien n'est plus propre à nous conduire à l'humilité, parce que rien ne nous fait mieux connaître notre néant, notre corruption et nos misères. L'illustre savant s'était mis à l'abri des reproches de Rancé par cette ingénieuse interprétation de l'étude. Jusque dans la manière dont il imprime son traité, il semble avoir contracté dans des lettres majuscules quelque chose du caractère monumental des inscriptions. Il écarte pour les théologiens scolastiques les questions de la puissance obédientielle et de la manière dont le feu matériel agit sur les damnés. Puis il entre en matière. « Ce qui m'a fait balancer d'abord, dit-il dans son avant-propos, sur la composition de mon ouvrage, c'est que le grand serviteur de Dieu qui fait aujourd'hui tant d'honneur à l'état monastique s'est expliqué d'une manière si noble et si relevée sur ce sujet qu'il est malaisé de réussir après lui. L'on pourra cependant demeurer d'accord avec lui que si tous les solitaires étaient comme les siens, et si l'on était assuré d'avoir toujours des supérieurs aussi éclairés que lui, il ne serait pas beaucoup nécessaire que les solitaires s'appliquassent aux études, puisqu'en ce cas, leurs supérieurs leur tiendraient lieu de livre. Mais il est difficile, pour ne pas dire impossible, que toutes les communautés aient cet avantage. » Après cette sainte courtoisie, Mabillon continue. La raison et le savoir l'appelaient à triompher. Il affirme que les moines sont obligés de vaquer à l'étude, que les grands hommes qui ont fleuri parmi les moines sont une preuve que l'on cultivait les lettres chez eux, que les bibliothèques des monastères sont une autre preuve des études qui s'y faisaient. Il parle de l'institution de l'abbaye du Bec et des Chartreux. Il montre que les monastères de l'Orient s'occupaient aussi de lettres, témoins saint Basile, saint Chrysostome, saint Jérôme, Ruffin, Cassien et son compagnon Germain, Marc le Solitaire et saint Nile. Il rappelle le monastère de Lérins, dans l'Occident, l'abbaye du Mont Cassin, le monastère de Saint-Colomban, les écoles attachées aux cathédrales et aux monastères, les savants qui sortirent de ces écoles, le fameux Gerbert, Loup de Ferrières, Lanfranc, Anselme. Il fait voir que les moines, occupés à transcrire les ouvrages des anciens, nous les ont conservés, que les religieux, même, s'occupaient de les transcrire, que les conciles et les papes, loin de défendre les études aux moines, les ont au contraire obligés à ces études. Il ne faut, pour la conviction de la France, que l'autorité de Charlemagne et de Saint-Louis. L'érudition toujours sûre déborde dans le traité des études monastiques. L'auteur descend au plus petit précepte. Il apprend à reposer sa voix à propos dans les lectures. Il insiste surtout sur la brièveté, quoique lui-même soit un peu long. Un cours « Hic jacet sugerius habas » vaut mieux, dit-il, qu'une verbeuse inscription. Prononcez en français « incontinent après » au lieu « après »,« saintes âmes » au lieu de « saint âme ». Ceux qui confèrent les manuscrits avec un imprimé, ajoute l'érudit, doivent, pour la facilité de ceux qui s'en serviront, marquer la page et le nombre de la ligne de l'imprimé où tombe la correction ou la diverse leçon. Et afin qu'ils ne soient pas obligés de compter à chaque fois les lignes, ils pourront faire une échelle de carton ou de papier sur laquelle ils marqueront le nombre des lignes dans la même distance qu'elles sont dans l'imprimé. Merveilleux siècle où Mabillon, oubliant son sujet, se change en un pauvre pédagogue, où Bossuet, devenant un prêtre habitué de paroisse, fait le catéchisme aux petits-enfants de son diocèse. Il n'y a aucune éloquence dans le traité des études monastiques opposée au sentiment de Rancé, mais une raison supérieure, une mansuétude touchante, je ne sais quoi qui gagne le cœur. Écrivons donc, dit-il en finissant, et composons tant que nous voudrons, et travaillons pour les autres. Si nous ne sommes pénétrés de ces sentiments, nous travaillons en vain et nous ne rapporterons de notre travail qu'une funeste condamnation. Tout passe, excepté la charité. Quotidie morimur, quotidie commutamur, et tamen a eternos nos esse credimus. Rancé prit feu en se sentant attaqué par Mabillon. Sa réponse est aussi érudite que celle du bénédictin, mais elle est sophistique. Si le supérieur de la trappe n'a pas raison, il se soutient par une éloquence qu'il tire de sa passion pour les souffrances. Il adresse sa réponse à ses frères trappistes, comme Mabillon avait dédié son ouvrage à ses jeunes confrères. « Comme Dieu m'a chargé, mes frères, leur dit-il, de veiller incessamment à la garde de vos âmes, je me sens obligé de vous dire que depuis peu, il paraît un livre qui attaque une vérité que nous vous avons enseignée comme une des plus importantes et des plus nécessaires pour maintenir la régularité dans les cloîtres. Le dessein de l'auteur est de prouver que l'étude des sciences est nécessaire à l'état monastique. Je vous avoue que ce qui me fait le plus de peine dans l'obligation où je suis de vous expliquer mes pensées sur ce sujet, afin de vous préserver d'une opinion qui m'a paru si dangereuse, c'est que j'estime et que je considère celui qui a composé cet ouvrage, et qu'il s'attire une recommandation particulière par sa vertu comme par sa doctrine. Quelle différence de ce public compétent et choisi à celui auquel nous nous adressons maintenant. Rancé reprend une à une les propositions de Mabillon et les réfute à son tour par des exemples. Comme il y a nécessairement des parties faibles dans un grand ouvrage, l'abbé les saisit avec habileté. « On loue, mes frères, dit-il, on loue Marc, disciple, à ce que l'on dit, de saint Benoît, de ce qu'il faisait bien des vers. Quelle louange pour un moine! Je suis assuré que saint Benoît ne lui avait pas légué cette science par son testament, ni qu'il ne le lui avait pas enseigné par son exemple. Quelle qualité pour un solitaire d'être poète! Loue, abbé de Ferrières, a tort de prier le pape Benoît III de lui envoyer le livre de l'orateur de Cicéron, les 12 livres de Quintilien, le commentaire de Donna sur Terence. N'aurait-il pas mieux fait de gémir dans le fond de son cloître de ses propres péchés, comme de ceux du monde, et de soutenir ses frères qui, dans ce siècle de fer, avaient besoin d'être secourus et d'être consolés? Rancé se jette parmi les moines savants pour en rompre l'ordonnance. Il ne s'aperçoit pas qu'il les fait aimer. Il rit de Ubald, auteur de 130 vers à la louange des chauves. Rancé avait raison. Mais qu'est-ce que cela prouve, sinon chez Rancé, un reste de la raillerie du monde? Mabillon ne se tint pas pour vaincu. Il répliqua dans ses réflexions. Il amoncela de nouvelles preuves en faveur des études monastiques. Ces ouvrages de Mabillon ne sont point écrits avec emportement. Une attention sage, pleine de modération et de retenue, une piété tendre, une science humble et modeste, une sainte politesse, règne partout. Il finit par ces paroles touchantes. J'ai tâché de garder toutes les règles de la modération, mais je n'oserais me flatter qu'il ne me soit rien échappé de contraire et que je n'ai trahi en cela mes intentions les plus pures et les plus droites. Que ne pouvez-vous voir mon cœur, mon révérend père, l'abbé de la Trappe? Car permettez-moi de vous adresser ces paroles à la fin de cet ouvrage, pour y connaître les dispositions où je suis et pour votre personne et pour votre maison. Je suis bien éloigné de désapprouver la conduite que vous y gardez envers vos religieux touchant les études. Mais si vous les croyez assez forts pour s'en passer, n'ôtez pas aux autres un soutien dont ils ont besoin. Que si vous jugiez à propos de répliquer à ces réflexions, je vous prie de prendre bien ma pensée comme je me suis efforcé de prendre la vôtre. Mais, au nom de Dieu, demeurons-en là dans les termes de notre contestation. J'espère que Dieu me fera la grâce de n'entrer jamais dans ces sortes de détails. Quelque chose qu'on puisse me dire et que je puisse apprendre, je n'en ferai jamais aucun autre usage que de les sacrifier à la paix et à la charité chrétienne. Écrivez donc, si vous voulez, contre l'abus que l'on peut faire de l'étude et de la science, mais épargnez en même temps l'une et l'autre, parce qu'elles sont bonnes en elles-mêmes et que l'on en peut faire un très bon usage dans les communautés religieuses. C'est la charité qui, unissant les travaux des uns avec l'étude des autres par l'union de leur cœur, fait que ceux qui étudient participent au mérite du travail de leurs frères, et que ceux qui travaillent profitent des lumières de ceux qui étudient. Je souhaite de tout mon cœur que ce soit là notre partage aux uns et aux autres. Heureux si ce pouvait être là le fruit de nos disputes, et si, nos sentiments étant partagés au sujet de la science, ils demeuraient réunis au moins dans l'esprit de charité. Pardonnez-moi, mon révérend père, car il faut finir par les paroles du saint docteur. Pardonnez-moi si j'ai parlé avec quelque sorte de liberté, et soyez persuadé que je ne l'ai fait par aucun dessein de vous blesser. Non ad contum eliam tuam, sed ad deventionem meam. Néanmoins, si je me suis trompé en cela même, je vous prie encore de me le pardonner. Ce ne sont pas là de ces modesties ostentatrices qui se glorifient. Mabillon parle à pleine ouverture de cœur. Aucun arrière-amour-propre ne corrompt la sincérité de ses aveux. Tels sont les fruits de la religion. Il y a loin de cette douceur à cette amertume du savoir, telle qu'on la sent dans les contentions de Milton et de Sommes et dans les jugements de Scaliger.